La délégation de la Fédération des sportifs coréens au Japon, conduite par Lee Chung-yon, administrateur général du Conseil permanent, arrivée le 10 courant à Pyongyang par vol pour participer aux 13e compétitions de sport du peuple, a déposé un bouquet de fleurs devant les statues en bronze du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il, érigées sur la colline Mansu, avant de leur rendre hommage.